clair de la lune, mon ami corbeau. Prête-moi ta plume pour écrire un mot. J'ai tant crié, j'ai tant volé, que le vent m'a tout desséché. Ma belle hirondelle est partie très tôt, soi-disant pour vivre dans les pays chauds. Elle s'est enfuie sans m'embrasser, je crois bien qu'elle va me manquer. Et j'ai le blues, mon frère, le blues de Pivert, c'est dur. Mais elle va revenir, elle va revenir, c'est sûr. J'ai le blues de Pivert, le blues de Pivert, c'est dur. Mais elle va revenir, elle va revenir, c'est sûr. Il serait trop intime de te raconter que de sa poitrine je sais les secrets. Et les prises de bec et les frivolités, corbeau, crois-tu qu'elle s'est lassée? Mon ami Pivert souffla le corbeau. Je veux bien comprendre que ton cœur soit gros, mais tu viens me gonfler comme ça tous les ans, alors que tu sais qu'elle revient au printemps. S'il te plaît, poursuis le corbeau. J'ai d'autres soucis, j'ai plein de boulot. J'ai une corbeille qui, elle, n'hiberne pas. Je rêve du jour où ça arrivera. Alors ton blues. Mon frère, ton blues de Pivert, je m'en bats. Chaque année c'est la même chose, tu me refais ta scène, barre-toi. Alors ton blues, mon frère, ton blues de Pivert, je m'en bats. Chaque année c'est la même chose, tu me refais ta scène, barre-toi.